Chapitre 6e, un déjeuner. Le lendemain matin à déjeuner, un domestique vint dire à Miss Beverley qu'un étranger désirait avoir l'honneur de la voir. Elle pria qu'on lui permît de le faire entrer, et Madame Harel demanda en riant si elle sortirait pour les laisser en liberté, tandis que M. Arnott, encore plus sérieux qu'à l'ordinaire, avait les yeux fixés sur la porte pour voir la personne qui allait apparaître. L'homme qui se présenta leur était absolument inconnu. Mais l'émotion de Cécile fut bien moindre que sa surprise lorsqu'elle reconnut M. Morris. Il s'avança de l'air du monde le plus respectueux pour toute la compagnie en général, et s'approchant humblement de Cécile, il s'informa avec le plus vif intérêt comment elle s'était trouvée après le voyage qu'elle venait de faire, et lui témoigna combien il serait charmé d'apprendre que les nouvelles qu'elle avait reçues de ses amis de province fussent telles qu'elle pouvait le désirer. Madame Harel, supposant naturellement par sa visite et sa conduite qu'il était quelque chose de plus qu'une connaissance ordinaire, lui offrit poliment un siège et à déjeuner. Il accepta l'un et l'autre sans se faire presser. M. Arnott, qui éprouvait déjà toute l'agitation d'une passion naissante, le regardait d'un air inquiet et attendait son départ avec impatience. Cécile commença à croire que M. Monckton l'avait chargé de quelques commissions pour elle, car il ne lui était point entré dans l'esprit qu'ayant passé simplement et par hasard une heure ou deux dans un même appartement qu'elle, cela put l'autoriser à lui faire une visite et à se donner avec elle un air de familiarité. M. Morris avait cependant la plus heureuse facilité pour ajuster ses prétentions à ses inclinations. Il reconnut bientôt que le motif qu'elle avait soupçonné n'existait pas et qu'il n'avait pas cru en avoir besoin. Pour le mettre sur le sujet dont elle attendait qu'il se prévaudrait pour s'excuser, elle lui demanda depuis quand il avait quitté la province de Suffolk. « Ah, seulement depuis hier après dîner, » répliqua-t-il, « sans quoi je n'aurais certainement pas tardé si longtemps à vous rendre mes hommages. » Cécile, qui s'était tourmentée à chercher le sujet qui avait pu l'engager à venir chez elle, le regarda alors sérieusement et d'un air de surprise qui aurait déconcerté tout autre homme moins hardi que M. Morris. Mais il avait un fond inépuisable de prétentions dont il connaissait cependant le peu de valeur et une constance admirable à les soutenir. Rien ne le rebutait quand il apercevait le moindre espoir de réussir. Les refus, les affronts même, ne faisaient que glisser sur son esprit souple et rampant. Il se pouvait que, dans tout cela, il y eût quelque chose à gagner pour lui, et il connaissait trop bien qu'il était impossible qu'il pût jamais y avoir rien à perdre. « J'ai eu la satisfaction, continua-t-il, de laisser tous nos amis en bonne santé, à l'exception de la pauvre Milady Marguerite, qui a eu une nouvelle attaque de son asthme, pour laquelle elle n'a point voulu qu'on appelât le médecin. M. Monckton a cependant fait tout son possible pour qu'elle y consentît. Je crois que la vieille dame sait fort bien à quoi s'en tenir à cet égard. » En finissant ces mots, il regarda Cécile d'un air malin. Mais s'étant aperçu qu'une pareille finesse lui déplaisait, il changea tout à coup de ton et ajouta « Rien de si étonnant que la manière dont ils vivent ensemble. À voir leur union, on n'imaginerait jamais la grande disproportion d'âge qui se trouve entre eux. Pauvre vieille Milady, sa mort sera une terrible perte pour M. Monckton. » « Une terrible perte ? » répéta Madame Harel. « Je la connais pour la femme la plus hautaine, la plus acariâtre qui existe. Lorsque je demeurais à Bury, je ne pouvais jamais l'envisager sans frayeur. » « J'avoue, madame, répliqua Morris, que l'extérieur n'est pas en sa faveur. J'avais moi-même, à la première vue, beaucoup d'aversion pour elle, mais sa maison est amusante, très amusante. J'aime de temps en temps y passer quelques jours. Mademoiselle Bennet est aussi une personne fort agréable et... » « Mademoiselle Bennet, agréable ? » s'écria Madame Harel. « C'est selon moi la plus abominable créature que j'ai jamais connue, une vieille fille maussade et envieuse. » « Mais oui, madame, comme vous dites fort bien, » répondit Maurice, « elle n'est pas bien jeune. » Et quant à son humeur, j'avoue que je la connais fort peu. Et il est assez vraisemblable que M. Monckton contribue souvent à l'aigrir, car il est quelquefois assez dur. M. Monckton, s'écria Cécile, très piquée de l'entendre censurée par un homme auquel il lui paraissait qu'il faisait beaucoup d'honneur en lui permettant de l'approcher. « Toutes les fois que j'ai été invité chez lui n'a mérité de ma part que des louanges et de la reconnaissance. »« Oh !» répondit avec feu M. Maurice. « Je ne connais pas au monde un plus digne homme. » Il a tant d'esprit, tant de politesse. Je ne vois rien d'aussi charmant que mon ami Monckton. Cécile, s'apercevant que les sentiments de M. Maurice étaient toujours ceux des personnes avec lesquelles il se trouvait, prit le parti de ne plus faire attention à ce qu'il dirait, et se flatta qu'en gardant le silence, elle l'obligerait enfin à déclarer l'objet de sa visite, au cas qu'elle en eût un. Ou si, comme elle commençait alors à le soupçonner, elle n'en avait aucun, de l'impatienter assez pour qu'il prît le parti de la retraite. Ce plan, tout prudent qu'il était dans le cas où elle aurait eu affaire avec quelqu'un qui pensa comme elle, n'eut aucun succès avec M. Maurice, qui joignait à une provision considérable de complaisance qui le portait obligé constamment les autres, une portion égale d'insensibilité qui l'endurcissait contre les affronts. S'apercevant donc que Cécile, à qui il avait destiné sa visite, paraissait déjà plus que satisfaite de sa longueur, il s'abstint prudemment de l'ennuyer plus longtemps. Mais remarquant que la maîtresse du logis était plus accessible, il porta sur le champ toute son attention de son côté et lui adressa la parole avec le même empressement que s'il avait été la seule qu'il fût venu voir et avec tout autant de familiarité que s'il avait connu toute sa vie. Avec Madame Harel, une pareille conduite était assez judicieuse. Elle fut flattée de son attention, amusée de ses saillies et passablement contente de son esprit. En conséquence, leur conversation fut également satisfaisante pour tous deux. Et ils n'en étaient point encore lassés quand ils furent interrompus par M. Harel, qui entra dans la chambre pour demander s'ils avaient vu ou entendu parler du chevalier Robert Floyer. « Non, répondit Mme Harel, nous n'en avons eu aucune nouvelle. « Je voudrais qu'il fût pendu, répliqua-t-il. Il y a plus d'une heure qu'il m'a fait attendre. Il m'a fait promettre de ne partir qu'avec lui, et à présent il ne viendra peut-être pas de toute la matinée. « Monsieur, dit Maurice, se levant tout à coup, indiquez-moi, je vous prie, sa demeure. « À la place de Cavendish, répondit M. Harel, en le fixant d'un air étonné. Maurice sortit sans rien répliquer. « Dites-moi, je vous prie, qui est cet officieux personnage ? S'écria M. Harel. « Et pourquoi paraît-il si empressé ?»« D'honneur, je ne le connais pas, répondit Mme Harel. « C'est une connaissance de Miss Beverley qu'il est venu voir. « Je pourrais, ajouta Cécile, en dire à peu près de même. Je ne l'ai vu qu'une seule fois en ma vie et j'ignore son nom. » Elle leur apprit alors comment elle l'avait rencontré chez M. Monckton, et elle avait à peine fini sa narration qu'il parut de nouveau tout essoufflé. « Le chevalier Robert Floyer, monsieur, dit-il à M. Harel, sera ici dans 2 minutes. « Je me flatte, monsieur, repartit M. Harel, que vous ne vous êtes pas donné la peine d'aller jusque chez lui. Monsieur, loin de me donner de la peine, ce n'a été pour moi qu'un vrai plaisir. « Monsieur, vous êtes trop poli, dit M. Harel. Je suis fâché que pour m'obliger vous ayez fait tant de chemin. « Miss Beverley, dit M. Harel en se tournant tout à coup de son côté, vous ne me dites point ce que vous pensez de mon ami. De quel ami, monsieur ? Mais du chevalier Robert Floyer. J'ai remarqué qu'il ne vous avait pas quitté un seul moment pendant tout le temps qu'il est resté chez Madame Mears. Il n'y a pas cependant demeuré assez pour qu'il m'était possible d'en concevoir une opinion favorable et avantageuse. « Peut-être, s'écria Maurice. L'avez-vous eu assez pour en concevoir une défavorable ?» Cécile ne put s'empêcher de rire en lui entendant prononcer par hasard une pareille vérité. M. Harel, au contraire, parut peu satisfait et dit « Je suis sûr que vous ne sauriez lui trouver de défaut. C'est un homme les plus à la mode que je connaisse. » « En ce cas, les défauts que je pourrais lui trouver, répondit Cécile, ne serviraient qu'à prouver un fait qui ne me paraît déjà que trop évident. C'est que je suis encore très novice dans l'art d'admirer. » M. Arnott, ranimé par ces derniers mots, se glissa derrière sa chaise et lui dit « J'étais sûr que vous ne pouviez l'aimer. Il suffisait pour cela de connaître votre façon de penser. Je le présumais même à l'air de votre visage. » Peu de temps après, le chevalier entra. « Vous êtes réellement bien singulier, s'écria M. Harel, de m'avoir fait attendre si longtemps. Il m'a été impossible de venir un moment plus tôt. Je n'espérais même jamais ne pouvoir me rendre ici, car mon cheval est si rétif que j'ai eu toutes les peines du monde à le faire avancer. » Ils partirent. Le soir, les dames allèrent à une assemblée où M. Arnott les accompagna comme à l'ordinaire. les autres hommes qui avaient dîné avec elle se trouvèrent engagés ailleurs.